Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dans le dars précédent, on a fini la muqaddimah, l'introduction de cette risala. Ad-durratu al-mukhtasara fi mahasin din ad-din al-islami de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et nous a démontré al-fawa'id ou ba'd al-fawa'id fi ma'rifati hadha al-ilm. Il nous a cité des choses importantes qu'on va profiter, des leçons qu'on va tirer avec l'étude de ce genre de rasail, l'étude de ce sujet, ay mahasin ad-din al-islam. Et il a cité un al-ishtighal fi hadha al-mawdu', ay s'occuper, utiliser son temps fi hadha fi al-ilm al-shar'i fi ma'rifati din al-islam, c'est un khair azim. كثير من الناس ما وفقوا فلهذا ما من شبهة ولو كانت هزيلة ضعيفة تمكنت من قلوبهم. C'est pour ça que n'importe quelle shubha, une ambiguïté, une rumeur, un mensonge, فيتأثرون به, ça les touche. Pourquoi? لأنهم ils n'ont pas cette arme pour repousser العلم. فلهذا أعداء الله يركزون على الجهال أكثر ويروجون باطلهم عندهم بشدة وبقوة. C'est pour ça que les ennemis de l'islam, ils font tout pour égarer ces ignorants, من المسلمين, et pour propager leur char عندهم. Donc on fait des efforts في هذا. كذلك إلى ستان معرفة النعم والتحدد بها قد أمر الله به. Et ça c'est une ni'ma عظيمة. Une ni'ma azima d'avoir été guidé pour suivre ce din al-islam. Donc al-muslim, il doit être reconnaissant. Et parmi cette reconnaissance, al-shukr, il doit apprendre. Apprendre pour propager, pour appliquer. Fa-shukru yakunu bil-qalb wa bil-lisan wa bil-jawarih kama taqaddam. Il doit reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi parmi beaucoup de créatures. Kadhalik, il doit démontrer cela avec sa langue, défendre ce dîn, propager ce dîn, kadhalik avec ses membres. Et il applique ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et il s'écarte de ce qui lui est interdit. Et il a cité des autres fawa'id azima dans cette muqaddima nafi'a. Wa al-yawm nabda bi'idhnillah 'azza wa jalla al-mithal al-awwal. Donc Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, après avoir cité cette introduction, il va citer des exemples là. Des exemples pour démontrer mahasin ad-din al-islam. Had ad-din, il est fondé sur le bien et il appelle au bien et il nous démontre le mal pour qu'on s'écarte du mal. Donc had ad-din, il a des mahasin, des bienfaits, des mérites, et il va les citer rahmatullah alayh. Alors il va citer les plus importants ou les principaux. Al-Muhim, il va citer des amthal, des exemples, bien sûr fondés sur des preuves du Coran et de la Sunna. Fanaqul wa billahi at-tawfiq, qala rahimahullah al-mithal al-awwal. Premier exemple. Din al-Islam mabniyun ala usul al-iman al-madhkura fi qawlihi ta'ala qulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc ce din العظيم, il est fondé sur هذه الأصول, sur des fondements, les fondements de l'iman. Usul al-iman, les fondements de la foi. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal iman bi al-yawm al-akhir wal iman bil qadr wal iman bil qadr khayrihi wa sharrihi. C'est ça les fondements de notre dîn. كما في حديث عمر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنهم. قال الشيخ سعدي: فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. Ça nous montre أن هذا الدين c'est le même دين pour tous les prophètes et tous les messagers. كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. Donc la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est fondée sur ses piliers, sur ses fondements. Croire en Allah, Azza wa Jal, croire en ses messagers, croire en ses livres, croire aux anges, croire au jour dernier, croire au destin. Les six piliers de la foi. Kadhalik, la religion de Isa, Ibn Maryam, alayhi salam. Kadhalik, la religion de Moussa, la religion de Ibrahim, la religion de Nuh, de Ismaïl, de Ishaq, de Yaqub. Tous les prophètes, ils ont appelé au même fondement. Il y a des choses qui changent, bien sûr, dans leur religion, mais pas dans les fondements. Des choses qui sont liées à la salat, au siyam, à la zakat. Tu trouves des choses différentes. Lakin, les fondements, c'est les fondements. Inna ad-din 'indallahi al-islam. Donc, ça nous montre anna, ce que certains, ils essayent de démontrer en chacun sa religion. Antum, vous suivez votre prophète et nous on suit le nôtre. Tout ça c'est min al-ghalat wa min al-kadib. Amma nahnu wa lillahi al-hamd, on suit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu confirmer les messages de tous les messagers qui étaient avant lui. Donc tous ceux qui prétendent suivre Isa ou Moussa ou autres min al-anbiya wa rasul, ils sont obligés de suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parachevé ce din avec ce messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa hiya muhtawiyatun ala ajalli al-ma'arif wa li'i'tiqadat min al-iman bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsahu ala alsinati rusulihi wa ala badli al-juhd. Donc ces fondements, celui qui les connaît et qui les met en application, il aura un din qawi, il aura une aqida salima, il aura des fondements sur lesquels il pourra se reposer. Il croira en Allah subhanahu wa ta'ala, une vraie croyance, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné, pas comme la personne elle veut, ou comme les gens y font, ou les croyances qui sont propagées. Là, c'est sa croyance, elle est basée sur Al-Qur'an ou Al-Sunnah, qui nous démontre ses fondements, comme on va détailler, Inch'Allah ta'ala. Qala fadinun asluhu al-imanu billah wa thamratuhu as-sa'i fi kulli ma yuhibbuhu wa yarda wa ikhlasu dhalika lillah hal yutasawwar an yakun din ahsan minhu wa ajall wa afdal. Donc et c'est ça le but de cette risala, Cheikh Saadi nous démontre en ce din qui est fondé sur al-iman billah, qui est fondé sur cette croyance, croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq, c'est al-muhyi, c'est le mumit, c'est le razzaq, et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur, c'est lui qui donne à qui veut, c'est lui qui guide qui veut, c'est lui qui gère tout, subhanahu. Ce dîn qui est fondé sur ce iman en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite seul l'adoration. Wa ikhlas wa dhalika lillah. Hal yutasawwar, est-ce que tu peux t'imaginer qu'il y a un dîn ahsan, meilleur que notre dîn? Nous, wa lillahi alhamd, on a cette croyance. C'est pas comme celui wa al-'iyadu billah qui place sa confiance et qui croit en des choses qui peuvent ni lui nuire ni lui emmener un bien. بعضهم تعلمون أنهم ils ont une aqida sur des animaux. يعبدون البقر par exemple. Ils adorent des vaches. بعضهم ils adorent le soleil. بعضهم ils adorent des statues. بعضهم ils adorent des bachars. أما المسلمون, leur croyance, leur din, leur conviction, c'est fondé sur ces fondements. قال ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه المخلصون يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقطح. كذلك هذا الدين الإسلام la religion de l'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de croire en tous les prophètes et tous les messagers. لا نفرق بين أحد منهم. Ce dit, ça te montre qu'il est basé, il est fondé sur le haqq, sur la justice. Contrairement aux chrétiens, aux juifs, أنهم آمنوا برسولهم مع أن leur إيمان فيه خلل. أقصد les chrétiens et les juifs d'aujourd'hui, ils ont élevé leur rasoul ou leur nabi au rang de l'ilah ou l'iyadu billah. Ça c'est des kafara, mushrikoun. Lakin, leur din, ou ce qu'il en reste, ils l'ont déformé, c'est fondé sur al-dhulm ou al-kadib. Lianna nahnu wa lillahi alhamd, on croit en tous les messagers, tous les prophètes, de Adam jusqu'à notre prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Amma hum fala. Pourquoi ils ont cru en certains et pas à d'autres? Hamanahnu, on ne fait aucune différence entre Ha'ula al-Rusul wal-Anbiya. Aucune différence. Aymin Hayth al-Iman. Wa illa fa notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdaluhum wa imamuhum wa akhiruhum. Son message, il complète tous les messages qui étaient auparavant. Qala fa huwa aw hadha ba'd. Fa hadhi al-Usul. Ces fondements de l'iman, ils sont importants pour chaque musulman. Notre din, c'est pas un nom. Faqat. Je suis musulman parce que mes parents sont des musulmans, ou parce que je viens de tel pays, ou parce que je suis de telle origine. C'est ça qui nous fait beaucoup de mal, l'an. On a beaucoup de membres de, de notre communauté, leur din, c'est pas fondé sur ces fondements solides, ces bases. Ces piliers de la foi. C'est pour ça que tu trouves une petite chose, ça lui met des doutes. Ou un mensonge, ou une rumeur, faroupama, il y croit. Pourquoi? Les anna, son din, il n'est pas fondé sur des bases solides. Et c'est pour ça que al-a'da, min al-yahoud, min al-nasara, ou ghayrihim, ils font tout pour combattre cette aqida, cette croyance qui est fondée sur al-iman billah. Ou le malaïka, ou le rusul, il a akhir. Eux, ils essayent de faire croire que l'islam, tu jeûnes, vous avez remarqué qu'ils ne combattent pas pour l'instant, siya. Tu fais salat chez toi, ils te limitent, yihada. Tu fais le hajj, ils ne te combattront pas pour l'instant, yihada. Et ça s'arrête là. Et après, ils insistent beaucoup sur des choses qui combattent cette croyance. Les gens, ils sont libres. Tu ne dois pas dire un tel, ce n'est pas un croyant. Et tout ce qui contredit ses fondements, même si ce un tel, il se moque de notre Rasoul, il ne croit pas en notre Rasoul, il ne croit pas au Coran, il ne croit pas à Yawm al-Qiyamah, il ne croit pas à Al-Malaïka, tout ça, pour eux, ce n'est pas grave. Pourquoi les Annahoum, ils ne donnent aucune importance à ses Usul, à ses fondements? Donc, nous, en tant que musulmans, on doit donner de l'importance à ses fondements, qu'on va citer, les six piliers de la foi, et notre din, il est fondé sur ça. Notre Wala et notre Bara, il est fondé sur ça, notre amour. Et notre désaveu, il est fondé sur ça. C'est din Rasul. C'est din Jami'ul Anbiya. Et vous allez voir que c'est que du khayr. C'est pour ça que Cheikh Sa'di, rahmatullah alayh, il l'a cité en premier exemple. Awalan, parce que c'est le plus important, les piliers de la foi. Celui qui renie un de ces piliers, c'est pas un musulman, bil ijma'. Il n'y a aucune différence. Annahu, c'est pas un musulman. Celui qui ne croit pas en Allah, ou il ne croit pas en un prophète, ou il ne croit pas en un livre, ou il ne croit pas aux anges, ou il ne croit pas au destin. C'est plus un musulman. Et ce n'est pas un musulman. Donc, Cheikh Sa'di l'a cité en premier, parce que c'est le plus important. Et kadhalik, ces piliers, ils vont te pousser à faire que du bien. Et ils vont t'écarter de tout mal. Par rapport à la foi de cette personne, plus sa foi elle est forte dans ses piliers, plus il sera à la khayr. Et plus sa foi elle est baisse dans ses piliers, plus il s'écartera du khayr par rapport à sa faiblesse. Donc, En tant que muslim, on doit faire des efforts fi hada. L'islam, c'est pas l'islam de France. L'islam, c'est fondé sur ses piliers. L'islam, c'est pas l'islam de la République, comme il appelle. L'islam, c'est dinullah. C'est Allah Azzawajal qui a cité les règles. C'est Allah Azzawajal qui ordonne. C'est Allah Azzawajal qui nous interdit. C'est Allah Azzawajal qui nous démontre, avec l'envoi de ses messagers et la descente de ses livres, il nous montre c'est quoi qui est bien pour nous, qui est mal, et qui est mal pour nous. Tu n'as plus qu'à faire des efforts dans l'étude, appliquer, si tu ne sais pas, tu demandes, et tu seras à la khayr. Délaisser tout ça l'un. Et appeler à ce qu'ils appellent un islam pacifique, tolérant. Ce qui est cité dans le Coran, ce n'est pas suffisant. Ou ça contredit tous les bienfaits que hum cite, le respect, etc. Là, notre dîn, il est complet. Notre dîn, wallahi alhamd, c'est cité. Toutes ces fadha'il, elles sont citées bihaq, sans exagérer. La liberté t'implique plus ton dîn. Ça se contredit. Ils disent un islam tolérant. L'islam lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne, il nous interdit des choses. C'est ça l'islam. Tu adores Allah seul, tu t'écartes du shirk. Tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu t'écartes de al-bid'ah. Tu t'écartes de zina et le mariage c'est autorisé. Tu t'écartes de l'alcool et les autres boissons, elles sont autorisées. C'est ça notre dîn. Des ordres qu'on doit faire, ou des choses qui est recommandé de faire, et des interdits. Des choses, on doit s'écarter. Bon, ils sont venus, ils t'ont dit, oui, un islam, mais tolérant. Un islam qui contredit l'islam. C'est-à-dire celui qui adore Allah seul. Fa'indahum. Ils ne le laisseront pas, ils le combattront. Lakin, en apparence, il a le droit. Et celui qui fait du shirk, un juif, un chrétien, un bouddhiste, indahum, tu ne peux pas dire c'est un kafir. Tu dois le respecter, tu dois être tolérant. Enfin, pourquoi dire islam? C'est pas l'islam, hein. C'est la démocratie, la laïcité, la démocratie, tout ce vaya. Lakin, ils ont voulu mélanger les deux. Pourquoi? Pas pour ton bien. Là, ils ont voulu mélanger les deux. Les madhas, les anahum, ils savent très bien que ça se contredit. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Hum, ils disent, t'adores ce que tu veux. Et hum, ils le savent que l'islam, ils le savent pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le jihad pendant des années. Ils savent pourquoi. Ils savent que c'est pas pour l'argent, c'est pas pour des terres, ils savent tout ça. Ils savent très bien que un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawfiq. Et ils le savent très bien que si tu suis un nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'es un danger pour eux. Ils le savent. C'est pour ça que ils veulent mélanger, pas pour ton bien, là, ils veulent mélanger pour t'égarer. L'islam, il te dit clairement dans des versets que l'alcool c'est interdit, zina c'est interdit. Ils te disent, là, celui qui boit, il boit. Celui qui fait zina, il fait zina. Indahum, t'es libre. Ça se contredit. Donc fais attention, Akhil Karim, tout ce qu'elle aime qu'on cite là, pour te montrer que l'islam, c'est pas ce que les autres ils veulent te montrer là. L'islam, c'est dinullah. Si tu rentres fi hada l'islam, prends ce islam de ses sources. Ses sources, le Coran et Sunna. Et ces sources, ils nous ont démontré des piliers, des fondements. Chaque chose a des fondements. Leur démocratie, leur laïcité, leur république, ils ont des fondements. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça leur pilier. Liberté, tu fais ce que tu veux. Égalité, tout le monde est égaux. Ma'annahu, c'est du kadib. Et fraternité, on est tous des frères. On doit tous se respecter. Tout ça, c'est des noms, faqat. C'est un slogan. Amma hum yukhalifuna hadhihi al-usul layl nahar. Ils se contredisent toujours. Amma nahnu la, nous c'est des fondements. C'est pas du kadhib pour faire plaisir aux autres. Là, c'est des fondements que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré. Pourquoi? Li annahu rabbul alamin, c'est le khaliq. C'est lui qui a créé haoula al-bashar. C'est lui qui a créé le djinn wal ins. Et il leur a ordonné de l'adorer. Donc c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui sait c'est quoi le mieux pour toi, ayyuhal abd. Et il sait c'est quoi qui te fera du mal. Donc il a légiféré hadad-din. Ce din, il est fondé sur ces six fondements. Si tu comprends ces six fondements, tu les appliques, tu verras que ta vie, elle changera. Et tu verras, tu comprendras le message de l'islam. Et anahu, c'est un din azim. Le premier fondement, on les résume. Al-Imanu billahi azza wa jalla. croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pilier, c'est le plus important. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce pilier, ou ce fondement, يتضمن أربعة أمور. Ce pilier, il faut quatre choses pour que ce pilier, ce fondement, il soit solide. Quatre points importants. الإيمان أولا الإيمان بوجود الله. On doit avoir la croyance ferme que Allah il existe. Et ça, في الحقيقة, chaque être humain dans sa fitra, il le reconnaît. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Chaque enfant est né sur le fitra. Il sait qu'il y a un créateur. Lakin, c'est ses parents, c'est son entourage, l'endroit où qu'il vit, il sera touché. Si c'est des Yahoud, des Nasara, des Mulhidoun, فربما il sera touché par cette chose et il oubliera ce fondement. Wa illa dans sa fitra, il reconnaît. Al-Iman bi wujudillah. Le deuxième point, Al-Iman bi rububiyatillahi azza wa jal. Deuxième point, on croit et on a la ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Rabb. Ala lahu al-khalq wal amr. C'est lui le créateur, c'est lui qui gère tout. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله سبحانه وتعالى له الملك. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui guide. اما les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah سبحانه وتعالى فما يملكون من قطمير. Une petite chose. لا يملكون هذا. القطمير c'est l'enveloppe qui est autour du noyau de date. فلا يملكون هذا. Pourquoi l'adorer? Pourquoi avoir peur de lui? Pourquoi espérer? Pourquoi placer sa confiance en lui? Là, toutes ces choses, toutes ces ibadat, comme on va voir dans le troisième point, on doit les faire à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pourquoi? Parce que c'est Rabb. Wal mushrikoun, ils reconnaissaient هذا. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqoun. Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, quand il a entendu ce verset, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, quand il a entendu ce verset, Jubayr ibn Mut'im, il a entendu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam réciter Surat At-Tur, ce verset qu'on vous a cité, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, Am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun, Am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Quand il a entendu ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récité, vu que Jubayr ibn Mut'im, il fait partie de l'arab. Et le Coran, il le comprend. Le Coran l'a été révélé avec sa langue, leur langue maternelle. Ben, il le comprend. Comme toi, tu comprends le français. Quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset, et c'est un mouchrik, qala kada qalbi an yatir. Kada qalbi an yatir. Il a senti son cœur, il allait s'envoler. Tellement que le kalam, il est haqq. Qal wa dhalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Al-hadith, il est fi al-sahih. Il a dit, Jubayr ibn Mut'im, c'est la première fois que l'iman, il rentre dans mon cœur. Pourquoi? Lianahu, il a compris, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce que tu as été créé de rien? Ou c'est toi le créateur? Si tu médites l'un, tu sais que tu t'es pas créé tout seul. Il y en a, tu viens du néant, tu n'étais rien. Kadhalik, tu sais que tu n'es pas un créateur. Toutes ces choses, hein, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, les êtres humains, les animaux, tout ça c'est venu tout seul. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Non. On est tous d'accord. Donc, tu poses-toi la question, c'est qui? Al-An, Al-Kuffar, Al-Mulhidun, Robama, une petite chose de dunya, un téléphone, une voiture, des choses là, haute technologie, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés, le amal, tout le travail qu'il y a eu. Et ils accepteront jamais que tu lui dises c'est venu tout seul. Ils n'accepteront pas là, ils vont te dire c'est la science, c'est un tel, ils ont fait des études, c'est tel pays, etc. S'ils méditeraient sur As-Samawat, Wal-Ard, Wal-Shams, Wal-Qamar, et toutes ces makhloukat, les océans et tout ce qu'il y a dans les océans, les montagnes, l'être humain, le corps de l'être humain, Il se poserait la question, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqoun ?»« Am khalaqu samawati wal ard, bal la yuqinoun ?» Est-ce que c'est vous qui avez créé les cieux et la terre ? Les cieux, avec tout ce que ça renferme. « Qala azza wa jal, am indahum khaza'in rabbika ?» Ou est-ce que c'est eux qui possèdent « al-khaza'in » Tu peux traduire par « les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala » Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Jubair ibn Mut'im, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a voulu du khayr, il a écouté, entendu ce verset, bisidq, il l'a compris, il s'est converti et s'est devenu un compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, on a la conviction que le créateur de toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yurwa an Abi Hanifa, rahimahullah, kama dhakara sahib, sharih al-tahawiyya, ibn Abi al-Izz, an qawman من الملحدين des gens qui croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont venus à la rencontre de Abu Hanifa et ils lui ont demandé tanaqashu, ils ont dialogué sur par rapport à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum kanu la yu'minun, ils croyaient pas. Abu Hanifa il leur a cité un mithal azim, il leur a dit ce bateau avec lequel vous êtes venus, si on vous dit l'an Annahu, il est venu de tel pays tout seul, jusqu'à ici. Et la marchandise, elle a été embarquée toute seule. Thumma, il s'est arrêté tout seul. Thumma, la marchandise, elle a été déchargée toute seule. Thumma, ce bateau, il repart tout seul. Qaloula. Ils ont dit là, il faut quelqu'un qui conduit, il faut quelqu'un qui gère tout ça, il faut quelqu'un qui organise. Il leur a dit, falimada, vous avez la croyance, la conviction que le soleil, il est venu tout seul, il se lève tout seul, il se couche tout seul, la lune, la nuit, tout est réglé. Tout est réglé par rapport aux saisons, par rapport à l'endroit, l'être humain, tout ça c'est venu tout seul. C'est ça notre croyance. Al-Iman, billahi azza wa jalla, c'est la plus grande ni'ma. Fala tartar bil kafar. C'est une ni'ma azima. Ne te laisse pas avoir par le kuffar. Ils te font croire l'un que ce islam s'est fondé sur l'intégrisme, sur le radicalisme, sur le fondamentalisme, tout ça c'est des mots qui veulent rien dire. Non, c'est fondé sur des fondements. Si tu appelles ça fondamentaliste ou fondamentalisme, c'est un mot qui veut rien dire. Apprends ton dîn et tu verras que tout ce qui se passe c'est une lu'ba. Wallahi, c'est comme un jeu. Ils veulent profiter de certaines choses et ils détestent certaines choses. Ben, ils font tout pour faire les choses comme ils veulent. Hum. Fal-Iman billahi azza wa jal, tu crois en l'existence d'Allah azza wa jal awwala. Thaniyan, tu crois annahu c'est le khaliq, al-raziq, al-mudabbir, ce qu'on appelle al-rububiyya, c'est Allah le Rabb. Il fait ce qu'il veut, azza wa jal. Troisièmement, al-iman bi al-uluhiyya. Troisièmement, si tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il existe, et tu as la conviction que c'est lui le créateur, ça implique forcément que tu dois l'adorer seul. Al-iman bi al-uluhiyya. قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الكبير. Donc la ferme conviction que celui qui mérite l'adoration c'est Allah عز وجل. Et alors on n'a pas le droit de se contredire, reconnaître Allah comme créateur, ثم ensuite adorer un autre. Comme ils ont fait kuffar Quraysh. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha yaquluna Allah. Donc ça suffit pas. Tu veux être musulman, tu veux profiter de cette ni'ma, tu veux faire partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé, tu veux rentrer fil jannah, tu es obligé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Contrairement à ce qu'ils ont fait à Nasara. Et c'est ce point que Kathir ibn Nas ils ont pas compris. Ils te disent, mais pourquoi vous dites que les chrétiens c'est des kuffars, c'est des mécréants, c'est pas des croyants. Pourquoi? T'es un croyant, tu crois en Dieu et crois en Dieu. T'as ton prophète, il a son prophète. Là, hatta ils essayent de faire croire que c'est des religions monothéistes. L'islam et le christianisme. Là, l'islam, awwalan, c'est fondé sur ces fondements qu'on cite. Parmi les fondements qu'on va voir, un al-muslim, il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il croit en Isa. Un nasrani, non, il croit que en Isa. Et crois pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette première chose, ça fait de lui que c'est pas un croyant. Il y en a un croyant, c'est le fait de croire en ses piliers. Pourquoi il croit pas au prophète Mohammed, alayhi salam, awwalan. Thaniyan, notre croyance, le premier pilier, c'est l'iman billah. Et l'iman billah, croire en l'existence d'Allah. Thaniyan, que c'est le Rabb. Et c'est lui qui gère tout, c'est lui qui possède tout, c'est lui le créateur. Thalithan, ifradullahi azza wa jal bil uluhiyya. Unifier Allah dans l'adoration. Amma al-Nasrani, il adore Isa. Et il dit que c'est le fils d'Allah. Il n'a pas unifié Allah. Bal hattahum. Ils ont ce qu'ils appellent la Trinité. Thumma. Ils se contredisent. C'est une religion monothéiste. Là, c'est du shirk. C'est du kufr. Fahmadillahi azza wa jal. Ihmadillahi azza wa jal. Que tu crois en tous les messagers. C'est une ni'ma azim. Ammahum, on se pose la question. Si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi vous ne croyez pas en son dernier livre, le Coran? Pourquoi vous ne croyez pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout ça, c'est parce que c'est du kibr, comme vous le savez. Il y en a, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de l'arabe, et c'est une religion qui est sortie dans un endroit qui n'était pas chrétien. Fa'alamoun, hiqd wa hasad al-kuffar. Donc, ce fondement, walillahi alhamd, on l'a détaillé, et il est détaillé dans les livres de At-Tawhid. Quatrième point, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Quatrième point, et parmi les quatre choses de al-imanu billah s'est fondé sur quatre points. L'existence d'Allah, Allah c'est le créateur, adorer Allah seul. Quatrième point, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms parfaits et des attributs parfaits. Pourquoi? Parce que c'est Allah. Pourquoi? Parce que c'est Rabb. Pourquoi? Parce que c'est celui que tu adores. Et celui que tu adores, il doit être parfait. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré qu'il a des noms parfaits. Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Ar-Rahman, etc. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذلك الله سبحانه وتعالى il a des attributs parfaits. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك on a cette conviction qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est السميع البصير. Ça te montre que même si dans le Coran, dans le Sunna, tu as des noms, tu as des attributs, en apparence c'est les mêmes noms, les mêmes attributs que l'être humain, Allah il a des mains, l'être humain il a des mains. Allah il voit, l'être humain il voit. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. L'être humain dans ses attributs, il a des faiblesses, des défauts. Et tout ça, c'est expliqué dans les livres de Aqid. Ce iman, billah, il va t'apporter des fruits, thamarat, azim, pour le musulman. Si tu étudies ces points dans les livres de Tawhid et de Aqid, tu verras que ton iman il va monter et tu vas profiter et tu vas savoir pourquoi ce din c'est afdal al-adiyan. Et pourquoi c'est une ni'ma. Et pourquoi ce din c'est un din qui est fondé sur le khayr et c'est pour ton bien. La première thamara, le premier fruit, si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala avec les quatre points qu'on a cités, tahqiq Tawhid Allah ta'ala bihayt. لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره. Tout ce kalam qu'on résume, qu'on lit l'an, c'est min sharh usul al-iman de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi. Premier fruit qu'il a cité, tahqiq al-tawhid. Tu verras que tu seras solide dans ton tawhid. Tu placeras ta confiance en Allah. Tu n'auras pas peur d'un bachar. Tu n'auras pas peur d'un makhlouk. Tu ne placeras pas ta confiance en un mort. Tu ne demanderas pas une statue, tu n'adoreras pas une pierre. Tu sais que celui qui donne, c'est Allah. Celui qui guide, c'est Allah. Ton espérance, ta crainte, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier fruit. Et c'est une thamara azima. Kam min an-nas al-an, ils ont peur des morts. Kam min an-nas al-an, ils ont peur de Bachar. Kam min an-nas al-an, il a peur de mourir de faim. Alors qu'il a, il a tout ce qu'il lui faut. Lakin, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une chose à laquelle il se cramponne, il s'accroche à l'iman. Et c'est ça la différence entre le mu'min et le kafir. Le mu'min yasbir, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne désespère jamais. Le mu'min, il sait que tant qu'il est vivant, rien n'est acquis. Il khaf min Allah subhanahu wa ta'ala. Al-a'mal bi khawatim. Contrairement au kafir, ahyanan, il se sent en sécurité. Ahyanan, il a peur. C'est, rien n'est réglé chez lui. Hatta wal-iyadu billah, il meurt à la shur. Ça, c'est le premier fruit. Deuxième fruit, كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. كذلك il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va aimer la religion d'Allah Azza wa Jal. Il va aimer ceux qui suivent la religion d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? لأنه il sait que c'est Allah qui l'a créé. Il n'a pas le droit de ne pas être reconnaissant. Il sait que c'est Allah qui l'a guidé. كذلك يكون لنمض الله يسيك الله سبحانه وتعالى سر الرحمن سر الرحيم سر الكريم في الدنيا لو واحد يتدن quelque chose de futile quelque chose qui ne dure pas يتدن quelque chose ولو minim تفرح ربما تلام. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. Faites-vous des cadeaux, vous aimerez en tant que entre musulmans, entre croyants. كذلك faire des cadeaux ربما كافر من باب الدعوة. Si tu sens qu'il peut accepter le message, et من باب الدعوة, tu l'encourages, tu lui offres un livre, tu lui offres. Ça montre que s'offrir des choses, ça fait des liens. Si tu médites l'an, Allah il t'a créé, il t'a guidé, il t'a donné. Si tu lui obéis, tu auras al-jannah. Comment tu ne l'aimeras pas après tout ça? Troisième fruit, تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Avec la liberté. Si tu connais ce fondement, tu verras que toutes les choses à laquelle ils appellent les kuffars, la démocratie, la république, la laïcité, tu fais ce que tu veux, tu verras que c'est batil. Bel anta, avec ce fondement, tu sauras que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? C'est le khaliq. C'est le malik. C'est le jabbar, c'est l'aziz. Tu lui rendras tes comptes. Donc tu sais que tu dois lui obéir. Amma, Quelle utilité tu auras de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, si au Qiyamah, tu n'as pas adoré Allah? Est-ce que ça va t'être utile? Est-ce que leur liberté, leur égalité, leur fraternité, ça va te faire sortir min al-nar? Et nous, on parle pour le muslimoun. Annahum, il se dit muslim. Si tu te dis muslim, automatiquement, tu crois en le Jannah al-nar. Et tu sais qu'il y a un paradis et un enfer. Et tu sais qu'il y a des causes. Donc, on te pose la question, est-ce que c'est utile pour rentrer le Jannah? Liberté, égalité, fraternité, c'est aucune utilité. Est-ce que ça sera utile pour te sortir de l'nar? Si cette personne allait faire l'nar, aucune utilité. Donc, fais des efforts dans ce qui t'est utile. Et ce qui t'est utile, c'est ce genre de fondement. Al-Imanu Billah. Deuxième fondement, Al-Imanu Bil Malaika. Al-Muslim, ce din, il est fondé sur Al-Imanu Billah, Al-Imanu Bil Malaika. Et il y a plusieurs preuves في هذا, des hadiths, des versets. قال عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته أي الملائكة. نحن on a cette ferme conviction. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قصة المعراج, il l'a vu Jibril et il l'a vu plusieurs fois. كذلك رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيها كل يوم 70,000 ملك. 70,000 anges qui font الصلاة tous les jours في البيت المعمور أي في السماء tous les jours. Donc on a cette croyance, on doit croire qu'ils existent contrairement à les kuffar. Pour certains, les anges c'est le bien, c'est tout. Ou c'est une fable, un conte, c'est pour des histoires. Ou c'est pour dire le bien. Là, on a la ferme conviction que c'est des êtres que Allah il les a créés. كذلك, on doit croire aux anges que Allah subhanahu wa ta'ala il a cités, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, Malak al-Maut. كذلك, on doit avoir la ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné de faire certaines choses. مثلاً, Jibril, Al-Amin, il s'occupe du wahi. C'est lui qui fait descendre la révélation sur les messagers. فنؤمن بهذا لأننا لدي مؤمنون. الإيمان c'est pas مجرد un اسم, un prénom. Ce إيمان بالملائكة يتضمن ثمرات جليلة. Ce إيمان بالملائكة tu verras que ça va te changer. Cheikh Ibn Uthaymeen cite, awwalan, si tu connais et tu as la croyance bil malaika, العلم قال الأول العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه لأن la description de Jibril أنه سد الأفق quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a couvert le ciel أنه il avait plus de 600 ailes tout ça ça te montre que cette créature عظيمة ça te montrera عظمة الخالق لأن Jibril c'est un مخلوق ce مخلوق عظيم c'est Allah qui l'a créé donc tu auras encore plus peur, tu auras encore plus d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم. نعم, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. Prends l'exemple de kitaba. Tout ce que tu fais, c'est écrit. مثلا, tu devrais payer pour ça. Ou tu devrais faire certaines ibadat que pour ça. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé un ange, il écrit tout. Et au Qiyamah, ton kitab, il y a tout écrit. Cette ni'ma, normalement, on doit avoir du shukr. Et des autres fruits qu'il a cités, rahmatullah alayh. Troisième pilier, al-iman bil-kutub. Al-iman bil-kutub. Et les livres que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélés. Les livres qu'on connaît, al-Qur'an, al-Tawra, al-Injil, etc. Et les livres qu'on ne connaît pas. Les livres qu'on connaît, fatu'min bihim, ay umm. Matalan, Allah il a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a révélé l'Injil à Isa, Torah à Moussa. Et les autres livres, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des autres livres, فَنُؤْمِنْ بِهَا إِجْمَالًا أي من باب الإجمال. قال عز وجل وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Ce livre, le Coran, que Allah il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a révélé بحق. Et كذلك, c'est تصديق لما بين يديه أي vient confirmer les messages qui étaient avant. قال عز وجل ومهيمنا عليه. Et ce Coran il a tout abrogé. Le haq qui était avant il est dans ce Coran wa akthar. Et ça nous montre que التورah ou l'injil, la Torah, la Bible, tout ce qui est propagé le Nouveau Testament, Ancien Testament, tout ça ça a été falsifié. فنحن نؤمن بالكتاب qui est descendu sur Moussa التورah. لا نؤمن la Torah qui est présente l'un. C'est mélangé. Il y a Kadib, etc. كذلك نؤمن بالإنجيل qui est descendu sur Isa. Et qui est descendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé à Isa. أما les livres qui ont été falsifiés, فلا. Et ces livres, on n'en a plus besoin. لأن القرآن, كما قال عز وجل, مهيمنا عليه. Et il a tout abrogé. Le khayr, le haq qui était dans les anciens livres, ils sont dans le Coran. Donc, de nos jours, on revient au Coran. Et on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des livres à Isa, à Moussa, à Ibrahim, etc. Ce iman, cette croyance, elle va impliquer des fruits. Thamarat, azim. Parmi ces fruits, al-ilmu bi'inayatillah. Tu sais et tu sauras que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ton bien. On redonne un exemple. Fi dunya, le wahid, il te montre la route. Ça arrive, t'es perdu. Et te montre la route. Tu es perdu dans un endroit et t'at'ab, tu ne sais plus retrouver le chemin et Wahid il te montre. Enfin, tu vas être reconnaissant vers lui et tu vas apprécier. Pourquoi? Il y en a, il te facilite. Il te fait gagner du temps. Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé le Coran pour te montrer At-tariq ila al-jannah. At-tariq ila al-jannah. Tout le khayr il est fié et il t'a mis en garde contre Ash-Shar. Si tu le suis, tu es à la surat al-mustaqim et tu rentreras fil jannah. Donc, الشكر يدوه أعظم. سأسمى ثمرة عظيمة. parmi les fruits كذلك نعم. شكر النعمة. العلم كذلك بحكمة الله في شرعه. donc donne l'importance à cette sharia. donne de l'importance à cette sharia qui est fondée sur le Coran. حتى le mot sharia الآن ils l'ont sali. sharia islamique الآن ils l'ont sali. بعض الناس il se dit musulman. ربما il entend ce mot ça lui fait peur ou il veut pas faire des efforts pour comprendre. Al-Sharia al-Islamiyya, c'est dinullah, c'est le Coran, c'est le Sunnah. Ton bien, il est dans cette Sharia. Et le kafir, il veut pas ton bien, donc il t'écarte de cette Sharia. Fattaqillah. Parle à un kafir de Sharia al-An et des lois, la démocratie, la laïcité. Tu verras. Pour lui, la loi, la démocratie, la laïcité, c'est le haq, c'est la liberté, c'est ce qui fait évoluer, tu veux t'en sortir. C'est dans son char. Et Al-Sharia, c'est la barbarie, c'est pas adapté. En tant que musulman, cette croyance, elle fait sortir de l'islam. Celui qui pense que Sharia, c'est la barbarie, que le Coran c'est plus adapté. Tout ça, ça fait sortir. Pourquoi ? De l'islam. لماذا لأن parmi les fondements de l'islam, l'iman bil kutub. Et bien, shari'at Allah azza wa jal. Quatrième fondement, l'iman bil rusul. On a la conviction ferme que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers. قال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Le premier رسول c'est نوح. Le premier نبي c'est آدم. لكن le premier رسول إلى أهل الأرض c'est نوح. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé la révélation pour qu'il appelle son peuple au tawhid. Et les fondements qu'on a vus avant, al-iman billah, etc. Jusqu'au dernier, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rasoul pour jami' al-bashar. Qala azza wa jal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est une rahma pour tout le monde. C'est un guide pour tout le monde. Tout le monde doit revenir à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas le droit d'exagérer et adorer un rasoul comme ils ont fait un Nasara, comme ils ont fait les Yahoud. Là, un rasoul, c'est un bachar. C'est un bachar. C'est un être humain. Ar-Rububiyya, les quatre points qu'on a vus au départ, l'imanu billah, c'est que pour Allah. Et c'est un Rab, on doit l'adorer. Amma Nasara, wal-iyadu billah, ils ont exagéré sur Isa, hatta ils lui ont donné une part fil Rububiyya, fil Uluhiyya. Amma nahnu, fala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, innama ana basharun mitlukum, ansa kama tansawun. فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِ Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré. Je suis un être humain comme vous. Je peux oublier. Si j'oublie, rappelez-moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. C'est pour ça qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, on suit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِمَا دَلِي أَنَّهُ appuyé avec le wahi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle, en parlant de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ Ou, en parlant d'un autre prophète, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne à manger, qui lui donne à boire. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Si je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Ça, ça te montre que ce rasoul, c'est un bachar. On n'a pas le droit de l'élever en tant que Rab, comme ils ont fait al-Nasara, al-Dhullal et al-Yahoud. On n'a pas le droit à ça. Un rasoul, c'est un rasoul. On l'aime. Fillah li annahu sa rasoul et on le suit et on déteste celui qui le déteste et on croit en lui et en son message. Amma al-ubudiyya, l'adoration c'est que pour Allah azza wa jalla et c'est ça la différence entre nous et Nasara. Enfin, celui qui dit que le christianisme c'est une religion monothéiste, c'est un kadhab, zalim. Lianna al-shirk al-wadih qu'ils font, ils l'appellent tawhid. Et ils mélangent al-batil avec al-haq. Et le tawhid avec le shirk. Al-Nasara, c'est des mushrikoun. Al-Muslimoun, c'est des muwahidoun. C'est pour ça que, walillahi alhamd, beaucoup de chrétiens se convertissent. Les noms, ils s'aperçoivent. Annahum yu'minouna billah, thumma il adore un bachar. Même si c'est un rasoul. Thumma ils ont menti, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une compagne, c'est Maryam, ils ont un fils, c'est Isa, na'oudou billah. Ça, c'est min sifat al-bachar. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de femme, il n'a pas besoin d'enfant, c'est le khaliq. Il crée ce qu'il veut, il guide qui veut, il égare qui veut, jalla wa ala. Ce iman, bil-rusul kadhalik, tu vas en tirer des fruits. Parmi ces fruits, al-ilmu bi-rahmatillahi ta'ala. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien. On a donné l'exemple, celui qui veut te montrer la route. Walillahi al-mathalu al-a'la. Fama baluk, an Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé ce messager. Rahma pour toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Il est ghani, azza wa jal. C'est le qayyum, c'est le hayy. Lakin, il veut ton bien, il t'a créé et il t'a envoyé ce rasoul. Et c'est une épreuve, c'est un test. Fais des efforts, ayyuhal muslim, pour connaître ton rasoul. Fais des efforts, ayyuhal muslim, pour suivre ce rasoul. Celui qui critique ton rasoul, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou un autre, fais attention, ayyuhal muslim, il veut pas ton bien. Leur système, l'un de laïcité, de liberté, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait les caricatures. Bil haqq, bil zulm. Khassatan, c'est un rasoul, c'est une personne qui est aimée, qui est suivie par des millions de personnes. Il est mort il y a des siècles, alayhi salatu wasalam. Et ils n'ont eu aucun respect. Tu trouves le système l'un des kafaras, ils sont libres. C'est que pour plaisanter. T'as rien trouvé pour plaisanter que faire des caricatures sur notre prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Là où on se moque d'un être humain normal, on n'a pas le droit. S'il fait des erreurs, on le conseille. T'es pas d'accord, montre-lui, il veut pas te suivre. Il a pas voulu écouter. Ammahum, ils se moquent et ils savent très bien ce que ça implique. Kafar. Enfin, ceux qui se moquent de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois avoir la ferme conviction que c'est un kafir, un mujrim, et tu le détestes, fillahi azza wa jal. Et ça implique pas que tu dois faire du zulm, comme ils font Jahalatu al-Khawarij, Daesh, al-Qaïda, et ceux qui sont imprégnés par Afkar, Sayyid Qutb al-Ikhwan al-Muslimin. Là, ça ne doit pas pousser à faire des attentats, à faire des tueries. Abatan. Lakin, dans notre cœur, on les déteste, fillahi azza wa jal. Et on fait tout pour s'écarter d'eux. Les nations, on n'a pas la même conviction. On n'a pas le même dîn. Et on ne s'entend plus. Fafi hadha al-hal, Allah subhanahu wa ta'ala amara bil hijra. Écarte-toi de akhil karim. Dans un pays musulman, wallahi alhamd, même avec tous les défauts, toutes les faiblesses, tous les péchés qui sont propagés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est respecté. Tu ne trouveras jamais des caricatures. Abatan. On conseille les frères, c'est pas adapté, écartez-vous. Personne t'a forcé à habiter là-bas. Ardullah wasi'a. Le dernier ou l'avant-dernier fondement, al-iman bil yawm al-akhir. Et ça, c'est un fondement adi. On croit que après la mort, c'est pas fini. On sait que après la mort, c'est le début. Al-qabr, tout ce qui est lié avec la tombe. Thumma al-ba'th wa al-nushur, la résurrection. Thumma al-hisab yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Thumma jannah ou nar, imma le paradis, imma l'enfer. Et certains musulmans, ils rentreront en enfer à cause de leur péché, lakin, tant que c'est un musulman, il rentrera fil jannah, même s'il fait un passage minan nar ou fil nar, nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wa al-afiyah. Donc on a cette croyance. كما قال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كم الله سبحانه وتعالى تكخي à partir de rien كذلك تغسسيتها. لأن بعض الكفار ils se sont étonnés comment on va être ressuscité, comment الله عز وجل il aura répondu كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا, c'est une promesse من الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Fais attention à la ghafla, fais attention à tout ce système de dunya. Tout ce système, annaka, tu profites tant que tu es vivant et tu crois pas tant que tu n'as pas vu. Tout ce système des kafara, fais attention. قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Est-ce que vous croyez qu'on vous a créé al-abath, c'est sans aucun but comme ça? Qala azza wa jal wa annakum ilayna la turja'un. Ne crois pas que tu retourneras pas à Allah azza wa jal. Si tu as cette conviction, ça te poussera à faire du khayr et à t'écarter du mal. Tu sais que tu rendras des comptes. On donne un autre exemple, fi dunya, le wahid, il se fait arrêter. Thumma, il a un rendez-vous au tribunal et il doit faire ses preuves. Ça arrive souvent, il doit faire ses preuves. Il doit plus faire de choses qui contredisent les lois. Il doit trouver un travail. Il doit se poser. Tu trouves, haoula, ils font des efforts. Il sait qu'il a un rendez-vous. Et il doit faire ses preuves. Ma balouk, t'as un rendez-vous, yawm al-qiyamah, tu seras jugé. Et ce que tu risques, c'est pas la prison. 6 mois, 1 an, 10 ans, ça passe, celui qui est patient. Combien de personnes, ils ont fait des grosses peines, ils sont sortis et ils se portent très bien. Amma yawm al-qiyamah, c'est un nar que tu risques si tu ne suis pas hadadi. Donc, l'insan yata'ammal avant les regrets. Ce iman, ça va impliquer des fruits. Ce iman bil yawm al-akhir. Awalan, al-raghba, fi fi'l, al-ta'a, wal-hirs alayha. Awalan, ça va te pousser à faire des bonnes œuvres. Léana, tu sais que tu as un rendez-vous yawm al-qiyamah. Et celui qui te jugera, c'est Al-Malik, Al-Haq, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Jabbar, Al-Aziz. Aucune injustice te subira. Tu liras toi-même ton kitab, toutes tes œuvres, toi-même. Tes membres y témoigneront contre toi. Aucune injustice. Al-Insan, il fait des efforts al-an. Kadhalik, parmi les fruits, Al-Rahba, min fi'l al-Ma'asiyah. Ça suit le premier point. Ça te permettra de t'écarter du mal. crois pas que les injustices qui sont faites là, il n'y aura pas un jour de justice. Tous ces meurtres, toutes ces guerres, toutes ces manipulations. Crois pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas, il n'entend pas. Là, il y aura un yawm azim où tout le monde sera jugé. Donc fais attention. Quand est-ce qu'on conseille nos frères, ne regarde pas toujours les autres. Mais ils font, mais pourquoi? Tu seras jugé seul. Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh. Tu seras jugé seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il te parlera directement. Et dans ce cas-là, il n'y aura aucune utilité. Mais un tel, mais pourquoi ils ont fait? Tu seras jugé. Min al-thamarat kadhalik tasliyatul mu'min amma yafutuhu min ad-dunya. Et ça, c'est une thamara azima. Anna, tout ce que tu es privé fi hadhihi ad-dunya, surtout quand tu fais des efforts fi ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve. Et rubbama, il y a des choses que tu ne peux pas faire. La takhaf. Et ne sois pas triste. Les anna, si tu patientes, fa fil jannah ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Fi al jannah, il y a des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues, que tu t'imagines même pas. Patiente. Patiente et ne prête aucune attention aux kuffar quand ils se moquent. Ahyanan, tu les entends, ils se moquent de le jannah, les récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservées fil jannah. Tout ça, ils se moquent. La tartar. Il se fait du mal qu'à lui-même. Et des autres fruits, il a cité, rahimahullah. Le dernier pilier, al-iman bil qadr. Tu dois avoir la conviction ferme que tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera et tout ce qui est arrivé, c'est bi qadrillah. Allah, il sait tout. Il a tout écrit. Tout ce qui se passe, il l'a voulu. Azza wa Jalla. Et il a tout créé. C'est ça le qadr. Donc tout ce qui se passe, c'est écrit. Bien sûr, on ne se repose pas sur le qadr et on délaisse les causes. On ne sait pas ce qu'Allah il a écrit. Donc fais les causes. Et les causes que tu fais et ce qui arrivera, c'est écrit. Fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-hikmatul baligha. Et on conseille nos frères kadhalik de ne pas trop poser cette question via dalbab. Mais pourquoi? Là, délaisser, fais des amal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Ce qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité dans le Coran. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah sait tout ce qui y a, tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, tout ça c'est écrit dans le kitab al-lawh al-mahfouz. Donc tout est écrit. Lakin fais des œuvres, fais des efforts, fais les causes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite ce qadar kadhalik, celui qui a la ferme conviction. Al-Iman, Al-Jazim, Al-Qawi, ça va lui ouvrir des portes à beaucoup de choses. Parmi les fruits, Al-I'timad ala Allah, tu placeras ta confiance en Allah. Tu sais que si cette chose, tu n'as pas pu la faire, ou tu as manqué telle chose, tu sais que c'est Allah qui l'a voulu et c'est Allah qui a décrété. Fa ta'timid ala Allah. Amma celui qui n'a pas cette croyance, wa rubbama, toujours les regrets. Toujours il vit dans fil khayal. Des fois, il espère des choses, elles sont ba'ida. Amma celui qui a ce iman, fayatamid ala Allah. Kadhalik, ça l'écartera de l'orgueil. S'il arrive à faire quelque chose, que ce soit l'ilm, que ce soit argent, que ce soit autre, il sait que c'est Allah qui lui a qadr. Et lui, il a fait que les causes. Et même ces causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a écrites. Kadhalik at-tuma'nina wa raha. Et c'est ce point que les kuffars aient envie d'itten. Et c'est ce point qu'ils n'ont pas. Une petite chose. Katir minhum, ils se suicident, ils désespèrent de la vie. Amma anta t'es un mu'min. Tu crois en ce fondement, al-qadr. Tout ce qui se passe, t'es ton manina. T'es calme. Et ce qui arrivera, il arrivera. Fais les causes. Et on sait que cette demeure de dunya, c'est qu'un passage. Kun fi dunya ka annaka ghariba wa abir sabil. Donc ça passera. Ce qadar l'an, c'est une force. Lakin, il faut étudier. Il faut étudier, il faut connaître certaines choses pour pas mélanger. Fi hadha al-bab. Six points, six fondements. Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a expliqués dans Sharh Usul al-Iman. Et kathir min al-ulama, il les explique fi hadith Abi Huraira, hadith Omar, dans les six piliers de l'islam, les six piliers de la foi. Et, inshallah, cette risala, il faudra l'étudier un jour, Sharh Usul al-Iman, elle est muhtasara tayyiba. Nassallah subhanahu wa ta'ala التوفيق. On finit كلام الشيخ سعدي قال ودين أمر بالإيمان هذا قرأناه قال فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة ولا يرد حقا بوجه من الوجوه. C'est الدين il est fondé sur le haq. Chaque haq, chaque bien, tu trouveras ce din, il appelle à ce bien. قال ولا يصدق بكذب ويروج عليه الباطل ولا يروج عليه الباطل فهو مهيمن على السائر الأديان. تقدم معنا أن سدين il a abrogé tous les أديان auparavant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'un son din il suffit pour tous et le Coran il a abrogé tous les livres. قال يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد. سدين كذلك il nous appelle, il nous ordonne de faire al-khayr wa makarim al-akhlaq. Naam, il l'a mis avant. Qala wa makarim al-akhlaq wa masalih al-ibad wa yahuth ala al-adl wal-fadl wal-rahma wal-khayr. Tous ces points, inshallah, on les verra en détail dans les exemples suivants. Il va détailler. Qala wa yazjur ani al-zulm wal-baghi wa masawi al-akhlaq. Naam. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. J'ai été envoyé, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, j'ai été envoyé pour parfaire les akhlaq, les bons comportements. فالنبي صلى الله عليه وسلم il appelle au bon comportement, à respecter son frère, à respecter son voisin, ne pas mentir, être juste. Tout ça c'est notre dîn. Tout ça fondé bien sûr sur au sol l'iman qu'on a vu. قال ما من خصلة ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها وما من مصلحة دينية دنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. شك خير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبلي أسخي الله سبحانه وتعالى إلا ستي هذا في القرآن أو son prophète sallallahu alayhi wa sallam fit sunnah. Chaque mal, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam kadhalik, il nous a mis en garde. C'est ça notre din. C'est une ni'ma azima. Ja'a fi hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila al-jannah illa amartukum bih. Chaque chose qui vous rapproche de al-jannah, je vous l'ai démontré. Wa la min shay' yub'idukum 'an an-nar illa nahaytukum 'anhu. Kadalik, une chose qui risque de vous approcher de l'art de l'enfer, je vous ai mis en garde. Et dans l'autre hadith, ma taraktu min khayr illa dalaltukum alayh. Chaque bien, je vous l'ai montré. Wa ma taraktu min shar illa hadhartukum min. Et chaque mal, je vous ai mis en garde. Fahada, c'est ça notre din. Le bien et le mal. Le bien, c'est dans notre din. Et le mal, kadalik, c'est cité dans notre din pour que tu t'en écartes. Donc al-mizan pour le bien et le mal, c'est l'islam, c'est le Coran et la Sunna. C'est pas les gens. Il y a beaucoup de choses pour eux c'est bien alors que c'est du char. Et il y a beaucoup de choses c'est mauvais, pour eux c'est bien. Beaucoup de choses elles sont bien, pour eux c'est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est des bachars, ils se contredisent, c'est des êtres humains. Anta en tant que musulman revient au kitab de Rabb al-Bashar. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé les êtres humains. C'est lui qui a tout créé. Il sait ce qui est bien pour toi, il sait ce qui est mal pour toi. Enfin, reviens aux sources. Qur'an ou sunnah. Bien sûr, avec la compréhension de Ahl al-Ilm. Qala Sheikh Al-Sa'di rahimahullah, wal maqsoud anna aqaid hada al-din hiya allati tazku biha al-qulub wa tuslihu al-arwah wa tata'assal biha makarim al-akhlaq wa mahasun al-a'mal intaha. Kalam azim. Al maqsoud. C'est ça l'essentiel, hein? Et c'est le résumé de tout ce qu'on a vu. Ce premier mithal, anna tazkiyat al-qulub, purifier les cœurs, wa islah al-ahwal, réformer. On peut prendre en exemple la situation catastrophique dans laquelle on vit, hein? Wa tata'assal biha makarim al-akhlaq, pour avoir les bons comportements, wa mahasin al-a'mal, et les al-a'mal al-tayyibah, et les actes qui sont fondés sur le khayr, tout ça c'est par rapport à l'aqida sahiha. Ce qui va pousser à tout ça, c'est les fondements qu'on a cités, les six piliers de la foi. Amma, sans les piliers de la foi, enfin, tu trouveras que même si la personne, elle essaye de faire du khayr, ce khayr, il n'est pas accepté que si c'est fondé sur le tawhid, que si c'est fondé sur le mu'taqad sahih, sur les piliers de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans le Coran et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sunnah. Fahmadillah, ce din, c'est dinu al-khayr, dinu al-adl, dinu al-rahma. Et Cheikh Saadi, avec les prochains exemples, il va détailler akthar. Enfin, le premier mital, il a cité les bases. Celui qui veut être musulman, c'est ça l'islam. On répète, l'islam, c'est pas un nom. L'islam, c'est fondé sur des principes, sur des bases. Et ces bases, elles sont citées dans le Coran et la Sunna. Fanasallah subhanahu wa ta'ala, al-i'ana wa al-tawfiq. Naktafi bihada al-qadr. Subhanak lahum bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.